your mums and dads now. Our glorious leader Scott A. Ward to protect the Earl of Humankind. That's why they'll always stay behind. Watch our main in it, rock that kill, not if the top men say so. Where your gun, Sunny General's top down next to him. You're a small piece of threat. If none of us went out to fight, we'd never prove our side was right, would we? Attention! The front line is a pretty bloody place to be, and that's why you go instead of me. Now I came to send you off, thinking that if you get yours, you're going to flatten out your families, so don't. Well, get some lovely souvenirs, a nice bronze plaque on which will be your name. You'll get free crutches if you end up lame. Good God! Though the numbers of dead will contain many zeros, the survivors will return to a land fit for heroes. Would I lie to you? Reasons us! platform full of stretched flesh and bone. Legacy of how easy it is to destroy whatever's grown. Maybe there's a reason that is worthy of a name. Just sick illusions, I suppose, will happen again. Love. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On a démarré très très fort, en tout cas c'est mon humble avis, avec Evership. Evership, c'est des Américains qui viennent de publier leur deuxième album. Alors, histoire de faire une piqûre de rappel, je vous ai passé leur premier album sorti en 2016, Evership tout court, et ensuite enchaîné Evership, le deuxième, de, comme un chiffre romain, Evership, ça s'écrit E-V-E-R-S-H-I-P. Voilà, c'est très très fort, moi j'aime beaucoup, et tout le reste de l'album est de ce tonneau. Ensuite, alors là, c'est carrément l'album du mois, peut-être même du semestre. Je l'ai attendu avec beaucoup d'impatience et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Je veux parler de 12th Night. C'est pour moi un des groupes les plus talentueux du néo-prog, du mouvement néo-prog britannique des années 80, avec mené par le charismatique Geoff Mann, eh bien, lequel Geoff Mann malheureusement nous a quittés, les musiciens de 12th Night se sont retrouvés pour réenregistrer Sequences, un des morceaux phares de 12th Night. 12th Night a toujours été un groupe très talentueux, mais qui a souffert de ne pas être signé par un gros label et donc de ne pas avoir un son à la hauteur de leur talent. Et bien, c'est chose faite avec Sequences, les séquences. 12th Night, j'avoue que c'était une grande claque parce que le son est superbe, le morceau est superbe. Et avec ce qu'on traverse, moi, ça m'a fait. Ça m'a donné une claque, quoi. Ça m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que le plus important, le combat le plus important, c'est quand même la paix, c'est quand même la protection de notre planète. La paix, eh bien, c'est le thème de ce morceau et de cet album, puisqu'il est dédié à toutes les victimes de la guerre 14-18. Voilà, pour 12th Night, Sequences à ne rater sous aucun prétexte. On part en Italie maintenant, ça va être dur de faire aussi bien avec un jeune groupe, un duo. Ils en sont, si je ne dis pas de bêtises, à leur deuxième opus, Karmamoi. K-A-R-M-A-M-O-I. The Day is Done, c'est le titre de leur album. Et bon, bah, je vous laisse juger, c'est bien troussé. You're listening to Progapa, the progressive program in Lyon. made for. Jean-Pierre Louveton est certainement un des meilleurs guitaristes prog de l'Hexagone. Au sein de Nemo, il a su développer une carrière de toute beauté. Il a eu la très bonne idée de rééditer un album de 2003 intitulé Présage, réédité, remasterisé et même en rajoutant un morceau inédit. Je vous propose donc un long extrait, plus de 10 minutes de Présage, Nemo. Thank you. Yeah. Nemo, superbe réédition de Présage, album disponible sur le label et la distribution quadriphonique. Vous savez que Jean-Pierre Louveton soutient les groupes français autoproduit et donc distribue une multitude de groupes prometteurs sur ce site quadriphonique. De Nemo, on passe à Morrigans. Pour moi, l'enchaînement est presque évident. On retrouve la rage, la fougue du prog français actuel. Morrigans avec Laurent Wilbe, mon ami à la guitare, notamment. Deuxième opus, un opus avec un thème très ambitieux, A Blood Stained Piano. Un piano qui est donc couvert de sang. Un deuxième opus avec un superbe livret, donc un thème très fort, avec l'idée aussi de sortir un recueil de nouvelles, donc vous voyez, que de la bonne chose. Et pour vous en convaincre, je vous propose deux morceaux de ce nouvel album des Morrigans. Mm-hmm. Morrigan's A Blood Stained Piano. On quitte l'Isère pour partir en Grèce avec une fort belle jeune dame et guitariste, Metalia. Metalia, vous allez voir, ça dépote, hein, c'est plus du hard, du metal prog que du prog symphonique, mais ça vaut vraiment l'écoute, le détour, et en plus c'est grec, ça ne court pas les rues. Tout de suite, Metalia. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol, 100.7. From the spring, from the spring, to the estuary, let me swim as long as I can. And when I swim in my confusion into the depth, don't judge too hastily, and an important drop in the sea of needs formed by a current. Together we pour, together we dry up, reduced to the very common. The mass is a solvent, for it's a mainstream that's only visible, even drifting. One can go against the flow. stay like a colored a gem between the borders. C'est plutôt bien, dit-il. Des Polonais. Et oui, Pologne, terre progressive, on le sait, depuis les 70s. Avec un groupe au nom presque imprononçable, je dis presque. Walfad. W-A-L-F-A-D. Walfad. Et leur album, à mon sens, leur premier, en tout cas, c'est le premier entre mes oreilles. Colloids, C-O-2-L-O-I-D-S. Colloids, c'est polonais, Walfad. Voilà, ainsi se termine cette émission de décembre. Non sans vous donner quelques news. Alors, quelques news. Tout d'abord, la prochaine émission, eh bien, ce sera le 7 janvier. Le 7 janvier, c'est un lundi, de 20h30 à 22h30. Bon, ça, c'est facile à noter. Autre rendez-vous où je vous attends nombreux, une petite conférence exposée, écoute sur le rock progressif britannique des 70s que votre humble serviteur aura l'honneur de présenter, de proposer à la bibliothèque municipale du Bachu. La bibliothèque municipale du Bachu, c'est dans le 8e. Bibliothèque municipale du Bachu, c'est dans le 8e avec l'ami Jacques. Voilà, conférence, présentation, écoute sur le rock progressif britannique des 70s à la bibliothèque médiathèque du Bachu. C'est dans le 8e, samedi 22 décembre de 16h à 18h. De 16h à 18h, entrée gratuite bien sûr. Voilà pour les news. J'ai reçu, grâce à mon ami Phil Jackson, c'est un des piliers d'Acid Dragon, je l'ai reçu à la maison. Il est venu pas les mains vides, il est venu avec notamment cette revue prestigieuse britannique qui s'intitule Record Collector, Record Collector si vous préférez. Une revue qui est sur le rock en général et sur les collections en plus particulier. Et le numéro d'août 2018, eh bien, il est consacré en partie au progressif, avec notamment une interview croisée de John et Ian Anderson, Yes et Jethro Tull, avec une étude sur le prog, et également une superbe couverture de Rodney Matthews. Voilà, Record Collector, août 2018. Je pense que vous pouvez le trouver chez, si vous avez un ami qui habite en Angleterre ou en le commandant directement à la revue. Voilà pour les news. J'oublie le plus important à mes yeux, c'est les 70, j'ai bien dit 70 émissions qui sont maintenant en ligne sur le site PodCloud. PodCloud, P-O-D, puis cloud comme le nuage, PodCloud. Vous cherchez Prog à part et devant vos yeux ébahis, vous allez retrouver 70 vieilles émissions de Prog à part et même de Bande à part. On remonte jusqu'en 88 et bien sûr, l'émission de ce soir en haute qualité puisqu'elle est enregistrée direct in the studio. Voilà, bah écoutez, j'ai tout dit ou presque. C'était Prog à part, une émission proposée par Thierry Sportouche. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine et suivant l'expression lyonnaise, bon bout dans... Simon, did you hear my new song? Oh, Simon.